Damn. Croiser le PDG dans les chiottes communes, et finalement la preuve que c'est bien d'un humain. Y'a pas à tortiller, on est tous fait pareil. Nous disposons du semblable appareil. Aux chiottes on ne paye aucune différence entre le prolétaire, le directeur et le président. Tout le monde un jour pisse bien par terre, fallait pas siffler en gardant en l'air. On prend un air sévère en sortant des toilettes. C'est pas moi qui ai arrosé la lunette. J'aimerais vraiment connaître cet être méprisable qui a commis à son âge l'impensable. Voyons l'urinoir dans les WC. On a tous l'air aussi sacrément coincé. On sifflote en regardant au plafond. Puis on rengaine en faisant une remarque sans ambition. Aux chiottes on ne fait aucune différence entre le prolétaire, le directeur et le président. Tout le monde un jour pisse bien par terre, fallait pas siffler en gardant en l'air. Assis sur les WC, on est bien en l'air. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de papier, instant de stress, moment de blesse. Avec quoi vais-je me torcher les fesses? Debout devant les noirs, posté en deux routiers. Je suis tellement coincé que je peux pas pisser. C'est de pire en pire, je me sens de plus en plus gêné. Il ne me reste plus qu'à remballer. Aux chiottes on ne fait aucune différence entre le prolétaire, le directeur et le président. Tout le monde un jour pisse bien par terre, fallait pas siffler en gardant en l'air.